Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, quand la météo change le cours des événements. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus, dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière les nuages, si lourds, de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur. Charles de Gaulle, qui s'adresse aux Français en juin 1944, en évoquant le temps qu'il fait et qu'il fera bientôt pour dire aux Français que la victoire sera prochaine. Au-delà de la métaphore climatique du général de Gaulle, les conditions du temps auront plus d'une fois changé le cours réel de l'histoire. La Révolution française, la bataille de Waterloo ou le débarquement de Normandie n'en sont que quelques exemples célèbres. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ça ira. Édith Piaf, qui reprend en 1953 « Ah, ça ira », chanson emblématique de la Révolution française, quel impact auront les conditions du temps sur le soulèvement de 1789? C'est l'un des sujets que j'aborderai aujourd'hui avec mon invité. Cet invité est Louis Bodin, chef du service météo à TF1, animateur également d'Élémentaire à RTL. Louis Bodin qui a récemment publié « Quand la météo fait l'histoire » aux éditions Albin Michel. Il est dans nos studios de Paris. Louis Bodin, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord, Louis Bodin, sur ce qui vous a donné envie, sur l'étincelle de départ. Vous faites de la météo, donc c'est votre métier au jour le jour. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre, « Quand la météo fait l'histoire », sur les événements pour lesquels la météo a fait une différence? En fait, j'ai souvent, quand on me reconnaît un peu dans la rue, quand je croise des gens, une première question qui porte évidemment sur le temps qu'il a fait, qu'il fera. Bref, on parle un petit peu des événements immédiats. Mais très vite, derrière, vient une deuxième question, et ça c'est assez récent, où on me demande, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la dernière tempête, est-ce que le dernier cyclone est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qu'on avait déjà vécu? Et je sens une forme d'inquiétude. Et donc, je voulais mettre un petit peu de recul dans tout ça. Je voulais expliquer que finalement, non, la météorologie a toujours eu parfois des moments difficiles en relation avec l'homme. C'est-à-dire qu'elle a pu parfois modifier effectivement le cours de l'histoire à travers des batailles, on en reparlera, ou encore des événements sociaux. Et je voulais montrer qu'il y a toujours eu des événements climatiques majeurs avec parfois malheureusement des conséquences dramatiques pour l'homme. Et dans ce livre, j'ai pris quelques cas qui montrent bien que de tout temps, il y a eu des événements météorologiques majeurs et même parfois plus violents que ce que l'on peut connaître dans notre génération actuelle, avec une influence parfois assez terrible d'ailleurs, hein. Il y a eu parfois des conséquences dramatiques. Ouais. Donc l'histoire même de la météo, l'histoire de la météo elle-même qui a un impact au fond, c'est ce que vous avez découvert sur la grande histoire, appelons ça comme ça. Avez-vous Exactement. Le sentiment, quand vous regardez ce que les historiens écrivent, quand ils font leur récit de l'histoire, avez-vous le sentiment que la météo est prise au sérieux par les historiens? Ben, j'ai l'impression pas tant que ça, ou alors de manière un petit peu sous-marine, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose dont ils ont conscience, mais qui n'est pas forcément exprimé, qui n'est pas aux premières loges quand on raconte l'histoire, et quand on l'explique, quand on la décortique, quand un historien fait ce travail-là de recherche en essayant de comprendre pourquoi telle issue, telle parole, tel moment fort, telle conséquence. Et il est assez rare de voir la météorologie aux premières loges, ou en tout cas comme un des éléments importants. Et finalement, quand on se plonge justement dans ces archives, quand on retrouve certains textes et certains témoignages, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on s'est focalisé sur les événements où il y avait des témoignages, où il y avait des histoires ou en tout cas des écrits permettant de corroborer ou en tout cas de confirmer l'influence, on s'aperçoit que finalement, oui, la météorologie a pu parfois changer un petit peu le destin d'une bataille ou même d'un peuple ou même peut-être parfois d'une décision politique. Et ce qui est fascinant en lisant votre livre, c'est que parfois c'est des conditions météo très ponctuelles qui coïncident, par exemple, avec le moment où se déroule une bataille. Mais parfois, et c'est le cas du premier exemple sur lequel on va se pencher ensemble, on présentera quatre exemples tirés de votre livre au cours de cette émission et on va remonter le fil du temps. Premier exemple, c'est la Révolution française de 1789. On y revient. Là, c'est vraiment pas les conditions du temps sur 3 ou 4 jours qui sont importants. C'est l'année qui précède la Révolution. Parlez-nous de ça. De quelle manière le temps qu'il fait en 1788-89 va participer au soulèvement de 1789? Oui, exactement. Alors, vous avez raison. Il faut remonter là, non pas quelques jours en arrière, mais quelques mois, voire quelques années même. Peut-être plus qu'une année en arrière, puisqu'effectivement, quand on se plonge un peu dans les archives avant 1789, on se rend compte que la météorologie n'a pas été du tout favorable sur la France. Dans quel sens? D'abord, on a eu des périodes très froides, mais surtout, ça, on y pense un petit peu moins, on a eu des saisons parfois très peu marquées. Et ça, la nature n'aime pas. Elle préfère avoir du froid, du chaud, de la pluie, du sec. C'est comme ça que la nature parvient à s'exprimer. Elle meurt entre guillemets en hiver, puis elle renaît de plus belle façon au printemps. Et bien quand il n'y a pas de saison très marquée, elle ne parvient pas à avoir ces cycles-là et du coup il y a de mauvaises récoltes. Et à cette époque-là, quand il y avait de mauvaises récoltes, et bien, il y avait des problèmes de famine, parfois des problèmes de maladie. Et ça s'est accumulé sur la décennie précédente, sur les années précédentes. Et c'est vrai qu'en 1788, là ça a été un peu l'apothéose si je puis dire, puisqu'on a eu une année particulièrement froide, un hiver très rigoureux. Et là effectivement, il y a eu famine, il y a eu problèmes de nourriture, il y a eu des épidémies. Et là, le peuple a commencé à se révolter. Ça a été un des facteurs. Évidemment, ça n'a pas été le seul. Ouais. On est arrivé à un moment où les esprits commençaient à se dire « Mais pourquoi autant d'inégalités ?» On commençait effectivement à avoir un peu les prémices de ce qui allait être ensuite la Déclaration des droits de l'homme, avec effectivement remettre au centre l'humain dans tous les sens du terme. Mais la météorologie a probablement été une des gouttes d'eau, ou en tout cas un des facteurs qui a déclenché effectivement ce processus. Donc, facteur, mais déterminant pour vous, ou je dirais contribuant. Moi, je prêcher pour ma paroisse, si je puis dire, mais moi j'irais presque déterminant quand même. Parce que quand s'accumule comme ça des années où on souffre de malnutrition, où on souffre de ne pas manger correctement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, en tout cas dans nos pays dits développés aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on repense un peu à cette période-là où entre le matin et le soir, on se demande « Bon, est-ce que ce soir j'aurais mangé à peu près correctement ? Est-ce que j'aurais pu nourrir ma famille ?» Et quand cette question-là, on se la pose et on se la repose et ça dure des semaines, des mois, je pense qu'on arrive à un moment, une forme de saturation. Et on est probablement dans une situation, dans un moment où on peut effectivement basculer vers la révolte. On n'a plus rien à perdre, donc on peut se révolter. Deuxième exemple à examiner ensemble, Louis Baudin, la bataille de Waterloo en 1815. Nous allons affronter les régiments du Hanovre et du Brunswick, de Bavière et de Württemberg, les Hessois et les Piémontais, les Hollandais, les Belges, les Russes et les Prussiens, les Autrichiens et les Anglais. Ils seront 700 000. Et nous, seulement 200 000. Non, ils seront 700 000 quand ils auront réuni leurs forces. Il faut les attaquer séparément. Battre les Prussiens de Blücher et les Anglais de Wellington avant qu'ils n'aient pu effectuer leur jonction. Je vous offre les Prussiens, Grouchy. Je vous remercie, sire. Et vous, n'êtes les Anglais. Avec plaisir, sire. Napoléon qui s'adresse à ses maréchaux dans cet extrait de la télésérie Napoléon, réalisé en 2002 par Yves Simoneau. Poursuivons, Louis Baudin, sur ce que l'on vient d'entendre. À quel dilemme stratégiquement fait face Napoléon avec cette bataille de Waterloo? Alors, effectivement, il a ce problème de ne pas laisser ses ennemis avoir le temps de se réunir, de s'organiser, donc de faire une coalition suffisamment importante pour pouvoir le battre. Et en même temps, lui, évidemment, c'est de pouvoir entraîner ses grognards d'une manière suffisamment rapide et efficace pour aller au combat de manière la plus efficace possible et surtout le plus rapidement possible. Le voilà le dilemme. Sauf que là, la météorologie va un peu jouer les troubles faites. Oui, mais c'est la course contre la montre. Ça, c'est un premier facteur. Et le mauvais temps qu'on prévoit, il est au courant, Napoléon, de ces conditions météorologiques difficiles. Exactement, parce que dans son entourage, il commence à avoir effectivement des maréchaux, parmi ceux qu'on a entendus, comme Lamarque par exemple, qui commencent à lui dire « Mais attention, il faut peut-être commencer à tenir compte des éléments météorologiques. On voit bien que quand il pleut, les déplacements sont plus compliqués, les troupes sont un peu démoralisées. » Parce que faut s'imaginer qu'à cette époque, quand on se déplace, évidemment, on transporte tout son barda dans des vêtements. Alors aujourd'hui, on a des vêtements modernes, très légers, très étanches. Mais faut s'imaginer à l'époque des redingotes très lourdes. Alors quand elles sont chargées d'eau, on est encore plus lourd. Et puis tout ce que l'on a dans les poches, c'est trempé. Donc la nourriture que l'on peut essayer de garder ici ou là, elle commence à moisir. Donc ça joue sur le moral, ça joue sur la capacité physique et mentale aux soldats de se battre, de se préparer à combattre. Et ça, Napoléon n'en tient pas suffisamment compte. Et justement, pour gagner du temps, aller le plus vite possible, il pousse ses grenières. Alors évidemment, ils le suivent parce qu'ils vont le suivre jusqu'à la mort, on le sait. Enfin, il avait cette capacité à galvaniser ses troupes et à galvaniser ses hommes, qui fait qu'ils le suivent. Oui, sauf que, il pleut à torrent les journées précédentes et du coup, ils avancent dans la boue. Alors c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, évidemment, on marche tous ou on roule sur des chaussées goudronnées, des trottoirs très propres. Mais imaginez à l'époque où on marche avec donc ces tenues très lourdes, avec tout son bardage chargé d'eau, avec cette nourriture qui est moisie. Puis on marche dans des flaques, on marche dans des champs qui sont complètement bourbés. Donc on est fatigué, on a du mal à se déplacer très vite. Et donc on n'est pas efficace au moment d'arriver sur le champ de bataille. En fait, ils arrivent épuisés déjà, affamés et épuisés à cause du mauvais temps qu'il a fait avant la bataille. Et puis ça se poursuit pendant la bataille. Et alors là, ça se poursuit. Et là, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si les témoignages ou ce qu'on a pu recouper avec la recherche qu'on a pu faire chez Albin Michel, mais il y a quand même des événements incroyables. C'est-à-dire que au matin de la bataille, les champs sont totalement gorgés d'eau. Et ça va avoir une influence incroyable qu'on ne soupçonne pas. C'est que Napoléon avait une artillerie très performante. C'était un de ses points forts. C'est-à-dire qu'avant de charger à pied, il utilisait son artillerie pour déstabiliser les troupes et les rangs adverses. Sauf que là, son artillerie, quand elle tire, les boulets de canon, au lieu de jouer, l'image n'est pas très belle, mais elle est réaliste, au jeu de quilles avec les adversaires, finalement ces boulets de canon qui souvent étaient incendiaires s'éteignent ou se fichent en terre. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de rouler et de décimer, de faire peur au rang adverse, ces fichiers n'ont que très très peu d'efficacité. Résultat, au moment où ils chargent à pied, donc on l'a dit, les troupes sont déjà fatiguées, usées, pas forcément très en forme, et en plus elles rencontrent des rangs adverses qui, contrairement à l'habitude, sont déjà un petit peu déstabilisés, là au contraire sont en pleine forme. Donc ça donne deux facteurs supplémentaires ou deux facteurs qui s'accumulent pour que finalement l'issue de la bataille ne soit pas aussi favorable. Ouais. Troisième exemple qu'on présente à nos auditeurs aujourd'hui, le débarquement de Normandie. On est en 1944. Là vraiment, contrairement à la bataille de Waterloo où Napoléon marginalise le facteur météo, le temps qu'il fait et qu'il va faire est une obsession dans les semaines qui précèdent ce débarquement et les jours et les heures qui précèdent ce débarquement. Tout de suite, un extrait révélateur du film de 1962, Le jour le plus long. Bonjour, Herr Feldmarschall. Bonjour, là. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Bombardement dans le pas de Calais hier après-midi, mais rien à signaler la nuit dernière. À cause de la tempête. Oui, oui. C'est tout ce qui m'intéresse ce matin, la météo. La tempête s'est levée soudainement, venant d'on ne sait où, et a tout ravagé. Toutes mes roses sont complètement fichues. Des vagues de 5 pieds dans la Manche, vitesse du vent 50 à 60 km à l'heure. La Luftwaffe dit que pour juin, c'est la pire tempête qu'on ait vue dans la Manche depuis 20 ans. Mon rendez-vous à Berchtesgaden a-t-il été confirmé? Non, pas encore, Herr Feldmarschall. Le général Jodl voit le Führer aujourd'hui. On nous préviendra dès que le rendez-vous aura été pris. Vous partez pour l'Allemagne comme il était prévu, Herr Feldmarschall? Auriez-vous un moment mieux choisi? On prévoit que le temps restera aussi mauvais toute la semaine. Aucun danger. Le général maréchal von Rundstedt, dans cet extrait du film Le jour le plus long, ça c'est extraordinaire, Louis Baudin, l'exemple de 44. Au fond, je le disais, on est très très préoccupé par le temps qu'il fera pour déclencher ou pas cette opération du débarquement des Alliés. Et là vraiment, on est devant un coup formidable, une erreur. Une erreur du côté des Alliés va se transformer en coup de génie. Racontez-nous ça. Ah oui, ça c'est quand même extraordinaire. Alors c'est vrai que le débarquement a été décidé, donc les Alliés commencent à agglutiner ou en tout cas à concentrer ces troupes là sur les côtes sud anglaises, donc en prévision de ce débarquement. Et alors quand on regarde la lune, donc ça veut dire un bon éclairage en fin de nuit ou durant la nuit pour que les bateaux puissent traverser la Manche. Évidemment aujourd'hui on a des GPS, on a tout ce qu'il faut, mais à l'époque on n'en avait pas, donc pour aider à cette traversée, on avait choisi des moments de pleine lune. Donc il y avait deux créneaux au mois de juin qui étaient c'était donc entre le 4, le 5 et 6 juin à peu près, 7 juin, et puis un peu plus tard, 20 jours plus tard, entre le 20 et le 25. Sauf que cette date du 20 au 25 juin était un peu trop tardive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'accumulation de centaines de milliers de soldats dans le sud de l'Angleterre allait finir par se voir, détectée par les espions ou les avions allemands. Donc, il restait ce créneau de début juin qui permettait peut-être, si la météo était favorable, de débarquer, de tenter ce débarquement. Effectivement, là, les prévisionnistes, qui n'étaient d'ailleurs pas d'accord entre eux, les prévisionnistes anglais, américains qui travaillaient là-dessus, voient un petit créneau là entre le 5 et le 6 juin, en disant entre deux tempêtes, on devrait avoir une petite atténuation des vents et peut-être donc une position favorable, ou en tout cas un petit créneau favorable pour faire ce débarquement. Et dans le même temps, les Allemands ont fait un entendre avec l'extrême, et c'est vrai, eux aussi, évidemment, avec leurs prévisionnistes, et eux ne voient pas du tout cette trêve, ne voient pas du tout cette accalmie entre deux dépressions, entre deux tempêtes, et donc se méfie pas, ou en tout cas un petit peu moins qu'à l'accoutumée. Et du coup, le débarquement est déclenché dans ce créneau. Mais effectivement, et d'ailleurs on le voit sur les images d'archives, on voit bien que le ciel est encore très chargé, on voit bien que les avions d'ailleurs qui emmènent les premiers planeurs qui vont débarquer, enfin qui vont permettre de parachuter les commandos au-delà des lignes allemandes, se perdent. Il y a beaucoup de pertes à ce moment-là. On voit bien également qu'au moment du débarquement, les vagues sont encore importantes. D'ailleurs, ça, j'ai eu du mal à retrouver les vrais chiffres. Mais on pense, et ça n'est pas souvent dit, qu'il y a entre 10 et 15% de pertes au moment du débarquement avant tout combat. Ça veut dire au moment de débarquer par noyade, tout simplement, parce que les pauvres d'abord étaient souvent des terriens, n'étaient absolument pas des marins, donc ils avaient un mal de mer incroyable, hein, dans des conditions difficiles. Donc ils arrivent là, beaucoup étaient déjà très fatigués. Et il se noie sur la plage dans ces vagues au moment de sauter à l'eau, avec là aussi un bardin important. Et donc, on a beaucoup de pertes avant même le combat en raison de ces conditions météo très, très difficiles. Donc, les conditions du temps sont réellement un obstacle, vont compliquer la tâche des forces alliées. Mais, on revient à l'extrait qu'on entendait, les Allemands se disent... On relaxe, on part en vacances, hein, le maréchal, le général maréchal quitte même la Normandie en se disant « j'ai quelques jours devant moi, ils ne peuvent pas attaquer ». Et c'est là où ça va jouer pour les alliés finalement. Et là, finalement, même si les conditions météo sont finalement plus délicates que prévues, avec donc un débarquement très très compliqué, avec ces parachutages qui se déroulent dans de très mauvaises conditions, comme il y a eu une toute petite perte de vigilance ou un peu moins d'attention des Allemands, eh bien cette petite différence va permettre malgré tout au débarquement de réussir. Enfin, là encore, hein, les historiens professionnels seraient mieux placés que moi pour le dire, ça tient à pas grand-chose. Hein. Je pense que ça tient à quelques coups d'éclat, prodiges de courage de certains soldats américains pour ouvrir les premières brèches et que finalement ce débarquement se termine bien. Mais ça tient vraiment, quand on relit bien les témoignages, ça tient vraiment à pas grand-chose finalement. 13 500 obsèques supplémentaires donc, qui seront donc réalisées par les services funéraires au cours du mois d'août 2003. Nous n'avons pas eu les informations et les signaux d'alerte que nous aurions dû avoir. Et quand on n'est pas alerté, on ne peut pas agir. La Direction générale de la santé minimise et évoque, elle, des morts naturelles, ce qui provoque la fureur de ce médecin débordé. Oui, tout malade, finalement, c'est une cause naturelle. Et à quoi on sert ? Ça veut dire que finalement, on va laisser ce phénomène perdurer et on va pas s'occuper des malades. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de la Direction générale de la santé ? Ils se moquent de qui ? Le problème, il est bien réel. C'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir, qui meurent peut-être plus tôt que ce qu'ils devraient, mais ils n'auraient pas dû mourir. Ce cri du cœur de l'urgentiste Patrick Pelloux qu'on entend à la fin de cet extrait qu'on vient de vous présenter sera un petit peu ce qui éveillera les consciences à cette canicule terrible et à l'impact qu'elle aura. Canicule de 2003, Louis Bodin. D'abord, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe cet été-là? Alors cet été-là, c'est effectivement au mois d'août. Et ça, c'est très important parce qu'on est au mois d'août, on est donc en période de vacances. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Et moi, le premier, je me souviens que j'avais fait des bulletins à ce moment-là sur les médias. Et qu'est-ce que l'on fait? On se réjouit parce que qu'est-ce que j'annonce? J'annonce des belles cartes toutes jaunes, avec du soleil, avec de la chaleur. Donc pour les vacanciers, en montagne, au bord de la mer, dans la plupart des endroits, c'est une bonne nouvelle. Il va faire très chaud, on va avoir du soleil. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se baigner, faire de belles courses en montagne. montagnes, pas de risque d'orage, pas de pluie, donc de belles soirées en perspective. Donc finalement, on voit ça de manière très positive. Sauf que quand ces journées très chaudes, très ensoleillées s'accumulent, avec parfois des records de chaleur dans certaines régions, eh bien les personnes les plus fragiles peuvent en souffrir. Sauf que là, on est dans un égoïsme profond, on est dans des moments où on profite de ces vacances-là, on a tous rêvé de ces quelques jours ou ces quelques semaines durant l'année où enfin il va y avoir du soleil. C'est le cas, moi je l'annonce dans mes médias, je suis très heureux, et finalement on passe au travers de la solidarité, de la prise de conscience que finalement dans ces moments-là, les personnes les plus fragiles peuvent en souffrir, oui. Et peuvent finalement en mourir. C'est ce que on va s'apercevoir dans cet épisode où effectivement des gens particulièrement sensibles, notamment dans les vieilles personnes, vont disparaître plus vite que prévu. Oui, effectivement, ces gens-là étaient plus très loin de la fin de leur vie, mais quand même, la canicule a accéléré ce processus. Et ça va provoquer cette affaire-là. Ça devient, encore une fois, le temps qui marque l'histoire. Ça va devenir, d'abord, il y a des milliers de personnes qui vont mourir, et puis ça va devenir une crise politique. Et ça va devenir une crise politique parce que déjà c'est une crise de conscience, c'est-à-dire que mais moi le premier je me dis mais comment est-ce que je n'ai pas pu me rendre compte que finalement ben oui c'était bien. Alors je m'en rends compte moi quand j'annonce plusieurs jours de temps très sec, je dis attention là pour les nappes phréatiques, pour la sécheresse, pour les cultures c'est pas très bon ça, on en a bien conscience. Mais j'avais pas du tout percuté à ce moment-là que ça pouvait être également sur l'humain, sur les personnes les plus fragiles, en général les personnes les plus âgées ou les plus jeunes, parce que pour les jeunes enfants ça peut être également problématique. Donc déjà il y a cette prise de conscience tout simplement qui est horrible, c'est-à-dire cet égoïsme de la société d'aujourd'hui, on ne fait plus attention aux générations qui vont nous suivre ou qui nous précèdent. Et puis effectivement, politiquement, là encore, on est dans une période un peu de relâche politique, entre guillemets, et on ne prend pas conscience effectivement du phénomène qui est en train de se développer ou à peine, et on ne réagit pas, ou en tout cas, on ne s'adapte pas comme un pays comme la France devrait ou aurait dû le faire à ce moment-là. Oui. Donc il est clair que là, il y a un énorme déficit, mais c'est en ça que la nature, je trouve, est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle nous rappelle parfois à notre devoir d'humanisme et à notre devoir de citoyen. Et ça, c'est une leçon incroyable. Effectivement, leçon incroyable. Est-ce qu'elle a été tirée, cette leçon? Parce qu'au fond, 2003 nous montre cette insensibilité des météorologues, de la population, oui. Des vacanciers, des politiques, aux facteurs temps, aux conséquences que ça peut avoir. Est-ce que aujourd'hui, Louis Baudin, on termine là-dessus, les politiciens, les politiques ont davantage conscience, prennent davantage au sérieux le facteur temps, le facteur météo. Alors je ne sais pas si profondément ils le prennent au sérieux, mais en tout cas c'est clair qu'aujourd'hui dans les postures, dans les discours politiques, oui, aujourd'hui la météorologie, l'environnement et ce principe de solidarité, donc d'attention à l'autre, oui, il y a une vraie prise de conscience et c'est toujours évoqué dans les discours aujourd'hui. Mais en même temps, je reste très prudent parce que, vous savez, en France on a eu les événements de 99, hein, le passage à l'an 2000, on a eu deux tempêtes extraordinaires sur la France avec des conséquences incroyables. D'ailleurs, en météorologie, depuis, on a créé des systèmes d'alerte, on a essayé d'être un peu plus performant sur la prévision et sur la prévention. Mais 2003, c'est-à-dire 4 ans plus tard, la canicule, ben finalement, elle nous a encore surprise. Donc ça veut dire que les leçons n'ont pas été autant tirées que cela. Alors j'espère quand même que petit à petit on progresse et que le prochain événement majeur, parce que forcément il y en aura un jour, eh bien on aura la petite lumière rouge qui s'allumera un peu plus vite et qu'on fera un peu plus attention à l'autre. Si l'humanité veut continuer à vivre en harmonie, à se développer, à devenir un peu plus civilisée, elle devra apprendre à vivre et à écouter la planète sur laquelle elle vit. Louis Baudin, c'était passionnant de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de votre invitation. Louis Baudin est chef du service météo à TF1, auteur du livre « Quand la météo fait l'histoire » publié aux éditions Albin Michel. Merci encore une fois. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.